Vous vous souvenez de cette mode des jeux musicaux avec les instruments en plastique encombrant? Des rock bands, didgeridoo, etc. Ça a bien dû durer 4 ou 5 ans avant de retomber comme un mauvais souffle. J'adore les Guitar Hero sur PS2. Je crois que j'en ai bien 5 ou 6. Pourtant, au départ, je vous avoue que je trouvais ça ridicule. Et voir un de mes potes y jouer m'a convaincu que ça l'était affreusement. Et puis évidemment, vint le moment fatidique où les potes me passent on va dire, manette. Et là, eh bien, passé les premiers instants hésitants, la prise en main est quasi immédiate. Comme le plaisir de jouer. Ah oui, je pense qu'il est important de le préciser, mais je suis un très très piètre musicien. Je n'ai jamais eu l'oreille musicale et je ne joue d'aucun instrument. J'ai bien essayé la guitare, mais en dehors des 15 premières secondes de Come As You Are. Bref, malgré cela, j'arrive à jouer à Guitar Hero et même à sortir Freebird avec un peu d'apprentissage. Et je pense que c'est la grande force de ces jeux. La courbe de progression est assez rapide et la satisfaction immédiate. Et puis on va pas se mentir, beaucoup d'entre nous sont des musiciens frustrés, plus à l'aise avec une manette qu'avec un instrument.